Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui 1952, Kazan et les autres, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Charif Gattaz, réalisée par Michel Sidorov. La fiction d'aujourd'hui nous raconte l'histoire d'Elia Kazan, le plus américain des cinéastes, et vous comprendrez dans quelques secondes pourquoi je le présente comme ça. Étrange destin, en tout cas, que le sien, fils d'émigrés grecs originaires de Turquie, que la famille persécutée avait fui pour rejoindre les États-Unis. Elia Kazan, tout en volonté, aspire à deux choses, l'intégration au rêve américain et devenir artiste. Il commencera au théâtre. Kazan, c'est avant tout un découvreur de stars comme Rando ou James Dean. À l'origine du légendaire Acteur Studio, il crée à Broadway entre 1947 et 1948 deux chefs-d'œuvre, Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams et Mort d'un commis voyageur d'Arthur Miller qui deviendra son ami et avec qui il partagera son engagement politique et aussi la douleur d'être un immigré incompris. Puis il quitte Broadway et New York et arrive à Hollywood où il signera dans les années 50 de véritables chefs-d'œuvre comme Sur les quais, à l'est d'Eden, Baby Doll ou encore Un homme dans la foule en 1957. Mais dans ces années 50, la vie de Kazan est persécutée par la réalité américaine. Edgar Hoover, patron du FBI, sa chose, et le sénateur McCarthy déclarent la guerre à l'ennemi intérieur, le communisme. Une commission sur les activités anti-américaines est alors mise en place. Et à Hollywood, elle terrorise studios, acteurs, scénaristes et réalisateurs. Elle recueille les témoignages d'artistes qui dénoncent leurs collègues communistes. C'est la fameuse chasse aux sorcières. En avril 52, Elia Kazan est convoqué pour la deuxième fois. Il donnera 8 noms, ceux d'anciens camarades du groupe de théâtre auquel il appartenait dans les années 40 et du Parti communiste dont lui-même a été membre. Cette collaboration marquera Kazan et Hollywood à jamais. Lui, l'immigré progressiste, artiste bourré de talent, vient de se renier. Certains ne lui pardonneront jamais et l'accuseront d'avoir trahi pour de l'argent comme un petit bourgeois. Lui répondra que bien ou mal, il n'a pas agi par calcul mais par conviction. Kazan avait lâché en effet le Parti communiste, il n'avait pas supporté le pacte germano-soviétique. Voilà, Kazan vivra quelques années difficiles, puis rebondira avec de nouveaux chefs-d'œuvre comme America, America. En 1999, un Oscar lui est décerné à titre honorifique pour l'ensemble de sa carrière. Mais la polémique n'a pas cessé et Kazan reste pour certains le cinéaste de la discorde. Pour comprendre l'homme, l'artiste à la vie tourmentée qui semble dépasser le souvenir de cette faute par une volonté créatrice, nous recevons après la fiction Bruno Hischer, journaliste, critique de cinéma et ancien membre du comité de sélection de la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. « 1952, Kazan et les autres » de Charif Gattaz, une réalisation de Michel Sidorov. Oui, oui, je vous écoute. Oui, je vous entends. Kazan, le délateur, Kazan, le salaud. La balance qui voulait garder son fric, protéger ses acquis, sa carrière. Ça fera bientôt 50 ans que je vous écoute. Et que je vous entends me conchier comme un vulgaire conspirateur. Un sale collabo de ce que l'Amérique a probablement produit de plus dégueulasse et de plus arbitraire contre ses citoyens et ses artistes. Mais que voulez-vous? Au crépuscule de ma vie, je ne peux pas refuser cet Oscar d'honneur que l'Académie a décidé de me décerner. Je le mérite. Au moins autant que les autres, sinon davantage que les autres. Je sais que certains trouvent ce geste outrageant à l'égard de mes anciens amis dont j'ai livré les noms à la commission des activités anti-américaines le 10 avril 1952. Pour certains, ce fut la fin d'une carrière artistique. Pour d'autres, une longue traversée du désert. Haïssez-moi. Allez-y, haïssez-moi du fond de vos tripes. Haïssez-moi. Faites de moi le responsable, le symbole de l'injustice dont beaucoup ont souffert. Mais sachez que tous, accusés ou délateurs, nous avons été les victimes du McCarthyisme. Alors ? Alors ? T'es content ? Oui. Bah, on dirait pas. Satisfait, au moins ? Bien sûr, Gadge. Tu verrais ta tronche. À vous autres juifs polonais, pour vous arracher un peu de joie de vivre, faut se lever de bonheur. Mais non. Mais si, Artsy. Depuis qu'on a quitté la Colombie, t'as une gueule de pierre tombale. Harry Cohn vient de nous donner son accord. Tu sais ce que ça signifie, oui ? Le hockey de Harry Cohn ? Pour qu'on puisse travailler sur le script du piège. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, oui ou merde ? Oui, je sais. Ça veut dire qu'on va réussir à le tourner, ce film. Par les temps qui courent, c'était pas gagné, tu peux me croire. Allez, allons fêter ça au lieu de déambuler lassivement au bord de l'eau comme des mouettes malades. On admire un coucher de soleil. Rien de mal à ça. On s'emmerde, Art. On s'emmerde à crever. Tu t'emmerdes. Oui, je m'emmerde à crever, c'est juste. Allons boire, voir des filles, casser des assiettes, faire la fête, merde. T'as vu ? La couleur du ciel ce soir ? Jaune et rose. Je me fous de la couleur du ciel. Allez, viens, j'ai soif. Hé, regarde-moi un peu. T'es pas avec moi. Comment ? T'es ailleurs. T'es pas avec moi, t'es ailleurs. Mais non, Gadge, qu'est-ce que tu vas chercher ? Je suis là, bien là, avec toi, en chair et en os. Et je suis très content pour le film, crois-moi. Mon cul, Art. Je sais quand t'es pas là. Et même quand t'es là, sans être vraiment là, eh ben je sais où t'es, figure-toi. Ah bon ? T'es avec cette blonde. Quelle belle blonde ? J'ai pas dit qu'elle était belle. C'est toi qui le dis. La blonde qui faisait de la lèche à Cône dans son bureau tout à l'heure. Je sais pas de qui tu parles. Ah, d'autres. Tu sais très bien de qui je suis en train de parler. La belle Marilyn Monroe qui nous faisait des yeux de chatte sauvage pendant tout le rendez-vous. Tu dis n'importe quoi. C'est pour ça que t'as pas dit un mot à Harry Cohn. Que tu m'as laissé aller au combat seul sans sourciller. C'est pour ça, pas vrai ? Avoue-le. Tu veux la vérité ? J'y crois pas. T'es pas possible comme mec, Art. Tu m'as laissé faire le sale boulot, discuter pognon, politique, technique, écriture, faisabilité, budget, pourcentage. Et pendant ce temps... Bon sang, j'ai obtenu qu'on le fasse, ce film. Je me suis battu comme un diable pour que Harry nous lâche la bride avec ses sous-entendus de script favorable aux communistes. Tu m'as vu, non ? Je lui ai bien dit que le piège ne taillait pas la part belle au rouge. Tu m'as entendu le lui dire, n'est-ce pas ? Et toi ? Si je suis resté muet dans le bureau de Cohn tout à l'heure, si je t'ai laissé parler et défendre notre script seul, c'est vrai, et je m'en excuse, Gadge. C'est parce que celui qu'ils veulent, ces gros bonnets d'Hollywood, eh ben c'est toi, pas moi, toi ! Tu le sais. Des foutaises. Ils s'en foutent carrément d'Arthur Miller, le dramaturge gauchisant de Broadway. Ils s'en foutent, c'est la vérité. Non, Elia Kazan, voilà un nom qui les excite. C'est normal, Gadge. Regarde-toi, t'as pas 40 ans. T'es pétri de talent, couronné de succès, de prix. T'as déjà un Oscar. Les pontes d'Hollywood se battent pour te faire signer un contrat avec leur studio. Et les directeurs de théâtre de New York ne jurent que par toi. Et sincèrement, je les comprends. Je sais pas quoi dire. Bah alors ne dis rien. Et la proposition de Harry Cohn ? Faut que je réfléchisse. Mais c'est oui. Je n'aime pas qu'on me menace. Il t'a pas menacé, Art. Il t'a exposé la situation politique des États-Unis telle qu'elle est en réalité, ni plus ni moins. Harry Cohn protège son cul, c'est normal. Comme ceux de la Warner ou de la Fox, tout pareil, et c'est bien normal. Une belle bande d'hypocrites, tous autant qu'ils sont, ces producteurs. La commission d'enquête des activités anti-américaines est raillée depuis 1947. On les traite de clowns, de zouaves. Et après ? Pourquoi Cohn et ses amis se couchent devant ces salauds ? Tu peux me le dire ? Parce que la commission a des appuis politiques. Elle est puissante. Et merde, c'est le jeu, Art. C'est comme ça. Il y a des règles. On a les idées, ils ont l'argent, et Harry Cohn n'est pas un si mauvais bougre, crois-moi. Si tu le dis. En effet, je le dis. Bon, on peut se détendre maintenant. Ok. Ok ? Oui, ok. Marilyn Monroe. T'as le béguin pour elle, hein ? T'es pas sérieux. Lâche-moi, tu veux. Ok, ok. En 1947, la commission avait déjà flanqué 10 scénaristes d'Hollywood sur liste noire. Elle était peut-être raillée, mais pas par tout le monde. Art l'oubliait un peu vite. Et Harry Cohn, le patron de la Columbia, avait demandé à Miller s'il accepterait de faire quelques modifications non substantielles, j'aime mieux préciser, sur le scénario du piège. Je vous la fais courte. Aggraver le caractère du méchant d'un penchant communiste. C'est nul, je vous l'accorde, arbitraire, c'est juste. Pas déontologique pour un sou, ok, mais c'était pas la mer à boire non plus. Ça aurait pu être pire que ça, bien pire même. Les studios avaient McCarthy et ses sbires sur le dos 24 heures sur 24. C'était pas de la mauvaise volonté de leur part, du moins, pas complètement. Mais Art s'est braqué. Il a pris la fuite, après 3 jours passés à Hollywood. Le coup de pression de Cohn ajouté à notre rencontre avec Marilyn s'en était trop pour le bon pater familias qu'il essayait d'être, encore et toujours contre vent et marée. Ça n'allait pas fort avec sa femme Mary à cette époque. Art et Mary formaient un couple solide pour affronter les galères. Mais à l'heure du succès d'Arthur, c'est absurde à dire, mais c'est comme si ces deux-là n'avaient plus rien à échanger, plus rien à espérer ensemble. Avant de retrouver le chaos de sa vie conjugale à Brooklyn, Art m'avait fait promettre de veiller sur la belle et fragile Marilyn Monroe. Et je lui avais donné ma parole d'homme. J'aime faire l'amour avec toi. Ça tombe bien, moi aussi. Et avec Arthur ? Aussi. Tu as des cigarettes ? Ouais, là, dans la poche de mon veston. Pourquoi tu laisses sa photo encadrée près de nous, Marilyn ? J'aime bien qu'on fasse l'amour et qu'Arthur nous regarde le faire. Nous, on est des amis, mais Arthur et toi, c'est différent. Vous vous aimez ? Toi aussi, tu l'aimes. Oui. Quoique en ce moment, j'ai du mal à cerner le personnage. C'est son silence radio qui te préoccupe ? Il panique à l'idée d'être convoqué par la commission. Mais Arthur n'est même pas membre du parti, il l'a jamais été. Moi ? J'ai de vraies raisons de paniquer. Lui, on pourrait l'accuser d'écrire des pièces à tendance gauchisante. Mais moi, c'est différent. J'ai eu ma carte. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, plutôt mourir. Tu veux qu'on parle des goulags, des exactions, de la folie de Staline ? Non, c'est de l'histoire ancienne. C'était en 34, j'avais 22 ans. Et j'ai été membre du Parti communiste pendant 18 mois. Il y a prescription, alors ? 18 mois, c'est rien du tout ? Pour la clique de McCarthy, c'est amplement suffisant pour justifier l'inscription de ton nom sur leur liste noire. Zanouk, Cohn, ils sont au courant ? Ils font semblant de l'ignorer, mais franchement, je crois qu'ils ont toutes les infos nécessaires sur toutes les personnes employées par les studios. Et la commission ? Mais j'emmerde la commission, vois-tu ? S'ils me convoquent, ce qui est une question de jour ou de semaine, eh bien je leur dirai d'aller se faire voir. Je répondrai pas, j'irai pas à Washington, j'irai nulle part. Harry dit que ce n'est pas le moment de défier la commission. Ils sont en position de force. Je sais bien... Mais quoi, sous prétexte qu'il profère des menaces, il faudrait non seulement qu'on opine sagement, mais qu'on balance des noms de surcroît ? Ils peuvent toujours rêver. J'ai beau ne pas aimer ce foutu parti de con, je donnerai pas mes amis du groupe théâtre. Tu fais toujours les bons choix, Gadge. Je ne m'inquiète pas pour toi. Évidemment. C'est pour Arthur que t'es inquiète. Oui. Ça fait des semaines qu'il ne m'écrit plus de lettres. Les lettres passionnées d'Arthur. Il ne me répond même plus au téléphone. Je l'aime tant, Gadge. Je l'admire et je l'aime tant. Tu comprends ? Bien sûr. Moi aussi, je l'aime. Et je l'admire, tu sais. Il est comme un frère pour moi. On a fait tant de choses ensemble. On se complète si bien. Regarde, t'es amoureuse de lui. Il l'est de toi. Et nous faisons l'amour ensemble sans que cela ne pose le moindre problème. C'est pas magnifique, Marilyn ? Si. Je vous aime. Tous les deux. Et je vais te dire un secret. J'ai jamais vu Arthur aussi jeune et aussi gai depuis qu'il t'a rencontré. Mais c'est un être compliqué, tu dois comprendre ça. C'est un artiste, engagé, torturé et plein d'humanité. Il est tiraillé entre son désir refoulé et sa culpabilité de puritain. Il a peur. Tu crois que j'ai pas peur, moi ? Toi ? Non. Tu te trompes. J'ai peur, comme les autres. Sinon davantage encore. Bonjour, monsieur Kazan. Bonjour. Salut Elia, tu baignes comme tu veux. Splendide, merci. Bonjour Monsieur Kazan. Monsieur Zanuck vous attend dans son bureau. Suivez-moi, je vous prie. Mais avec grand plaisir, mademoiselle. C'est quoi votre petit nom ? En 1952, ça a commencé à sentir le sapin. Les convocations pleuvaient. La commission pressait, le mot est faible, les uns et les autres de dénoncer tel ou tel artiste, auteur, interprète. Au moindre soupçon, à la moindre virgule de commencement de preuve, votre nom était inscrit sur leur fichue liste noire. Et c'en était fait de vous, de votre talent, de votre carrière, de vos espoirs, de vos relations, de votre réputation. Vous vous retrouviez seul comme un con, sans amis, sans travail, sans aucune perspective d'avenir, sans fric. Voilà ce qu'était devenu la Mecque du cinéma. Un morceau de papier A4 avec des noms rouges dessus. D'un côté, les gentils protecteurs d'une Amérique fascisante, de l'autre, les dangereux cocos qu'il fallait flinguer à tout prix. Pour un oui ou pour un non, c'était comme si on vous collait un avis de recherche sur le front. Et du jour au lendemain, tricard, avec une horde de cow-boys au cul. Pour ma part, je ne savais plus trop quoi penser. Je n'avais pas menti à Marilyn. J'avais vraiment les chocottes, le trouillomètre en surchauffe. Et mon pif d'anatolien me disait que mon rendez-vous avec le parrain d'Hollywood, Monsieur Daryl F. Zanuck, n'allait pas arranger mes affaires. Entre, Gadj. Mademoiselle, veuillez nous laisser, s'il vous plaît. Eh bien, reste pas planté là, avance. Prends donc un siège. Je te sers à boire, bourbon, soda, café, thé. Merci, Daryl, mais en fait... Cigare. Tout droit exfiltré de la Havane. Mais attention, ne répète ça à personne, autrement ces cons de commissionnaires se croiront obligés de me convoquer pour me demander quelles sont mes relations avec les terroristes cubains. Très drôle. Un verre d'eau minérale, peut-être ? Qu'est-ce que je fais là, Daryl ? Tu rends une visite de courtoisie à un ami, Gadj. Ah oui ? Ou plutôt, tu rends visite à ton ange gardien. Je vois. Je ne crois pas, non ? Comment ? Tu dis je vois et moi je te dis que non, tu ne vois pas, Gadj, tu ne vois rien. Ou alors à peine assez clair pour deviner l'ampleur de la catastrophe qui se propage au loin. Là, tout compte fait, je ne suis pas contre un verre de bourbon. Tu m'étonnes. Allez, à ta santé. Comment va Molly ? Molly va bien, je te remercie. Et les enfants ? Bien, bien, très bien. Daryl, les enfants vont vraiment très bien, merci. Et toi, la famille ? Mais on ne parle pas de moi, mais de toi, Gadj ! Il s'agit pas de moi ici, putain, mais de toi, tu comprends ça ? Oui ou merde ? Pour moi, ce qui se passe ne changera rien ou presque rien. Alors laisse ma famille où elle est, parce que là où elle est à l'abri de cette putain de commission d'enquête des activités anti-américaines, Elia. Tu saisis ? Zanuck ne craint rien, personne. Ma femme et mes gosses non plus. Mon compte en banque est bien loti. Tu n'es pas sans le savoir, je suppose. Il ne craint rien, lui non plus. Et tu sais pourquoi ? Est-ce que tu sais ? Réponds-moi. Écoute, Daryl... Mais réponds-moi, bordel de merde ! Je sais pas. Comment veux-tu que je sache ? Comment je voudrais que tu le saches ? En me regardant bien dans les yeux, là, maintenant, Elia, regarde-moi bien. Regarde l'articulation de mes lèvres. Parce que je fais ce qu'il faut pour protéger mes intérêts et ceux de ma famille. Voilà pourquoi je ne crains pas la catastrophe qui arrive. Voilà pourquoi McCarthy ne m'effraie pas comme il vous effraie, vous autres. Nous autres ? Oui, vous autres. Toi, Miller et tous les autres. T'as fini ? Où tu vas comme ça ? Reste assis ! Tiens, bois. Ils t'ont appelé. Qui ça ? Mais tu le fais exprès ? Ah, non, pas encore. Eh bien, moi, ils m'ont appelé. Toi ? Oui, moi. Enfin, John Stephen Wood m'a appelé en personne et cet appel te concernait, Gadj. Ils veulent que tu témoignes. Oui, j'en doute pas, mais je ne témoignerai pas. Tu te souviens, en 1947, les 10 d'Hollywood ? Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire ? Tu veux un aller simple pour la Turquie, la Grèce, la France ou les Cyclades, tiens. C'est joli à Dodane. Molly va apprécier, je crois. Perdons pas de temps, appelle-la. Prends mon poste, là. J'aimerais beaucoup entendre sa réaction. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde, Daryl? Écoute, Gadge. La commission a fait condamner 300 artistes jusqu'à présent. Des auteurs, des acteurs, des scénaristes, des metteurs en scène, des producteurs aussi. J'en connais, tu en connais. Combien d'entre eux ont réussi à s'en sortir jusqu'à maintenant? 10? 20? Allez, 30 à tout casser. Et les autres? Ils sont brisés, les autres. Exilés, désargentés, seuls. Certains écrivent en empruntant des pseudonymes, d'autres ont tout perdu et tu le sais. Regarde-moi. Regarde-moi, je ne veux pas que ça t'arrive. Tu protèges tes intérêts. Interprète mon discours comme tu l'entends, Elia, je m'en fous. Disons que j'essaie de t'aider parce que je t'aime bien. Je pense que tu es bourré de talent, que ton avenir à Hollywood s'annonce radieux, glorieux même. Je pense que les films que tu vas faire, les sujets que tu vas traiter au présent ou au futur resteront dans l'histoire du cinéma. Et oui, si tu veux, c'est dans l'intérêt de mon studio de produire ces films. C'est une façon pour nous d'être à tes côtés et de t'épauler. Mais si tu ne suis pas mon conseil... Qui est ? Si tu ne suis pas mon conseil, qui est d'accepter la convocation de la commission, au moins pour voir de quoi il en retourne, ce qu'ils te veulent précisément, au moins pour montrer que tu es de bonne volonté... Tu me demandes de collaborer. Et ça te permettra de gagner du temps pour te confronter au choix que tu vas devoir faire. Et plus vite que tu le crois. Je suis fatigué, là, Daryl. Je sais. C'est normal. Que dit Molly ? Molly dit comme toi. Molly est en colère parce qu'elle voit bien que cette histoire me mine, me fait peur, m'empêche de travailler, de dormir. Et par conséquent, Molly finit par paniquer elle aussi et me somme de regarder les choses en face. Et c'est quoi regarder les choses en face, Gadge ? J'ai été au parti pendant 18 mois, entre 1934 et 1936, voilà. Et je sais. Je sais que tu sais. Y a-t-il une chose que tu ne saches pas, Daryl ? Tiens, voilà une chose que je sais et que toi, tu étais à milieu de deviner. Le comité aussi est au courant que tu as eu ta carte chez les Rouges, puisque le FBI a photographié tous les noms des encartés depuis la création du parti sur le sol américain, et qu'il s'est empressé de les refiler au comité. Alors ? Je vais rentrer à New York. Ma famille me manque. C'est ce que tu as de mieux à faire, en effet. Salut, Daryl. Salut, Gadge. Pense à mon conseil. C'est juré. Daryl ? Oui. Merci. Ne me remercie pas, Gadge. Fais ce que je te dis. Martha ? Appelez immédiatement le bureau de M. Wood à Washington, je vous prie. Et passez-le-moi. The growing menace of communism arouses the House of Representatives Un-American Activities Committee. Among the well-informed witnesses testifying is J. Edgar Hoover, head of the Federal Bureau of Investigation. Mr. Hoover, ce que Daryl ne savait pas, c'est la raison pour laquelle j'avais quitté le parti. Je pensais qu'il me l'aurait demandé, mais ça n'avait en effet rien à voir avec la protection de ses intérêts. Enfin, je veux pas être mauvaise langue envers Daryl, mais s'il s'est montré paternaliste ce jour-là, il n'a pas toujours fait preuve de bienveillance par la suite. Mais bon, c'est une autre histoire. En 1934 à New York, quand on était jeune, qu'on aspirait à faire de belles choses dans la vie, à œuvrer pour un monde plus juste, plus équitable entre les êtres, un monde différent de celui que ma famille avait fui en Turquie, un monde différent de celui de la crise de 1929 et de la Grande Dépression qui avait suivi et qui avait marqué l'Amérique au fer rouge, sans jeu de mots, bien sûr. Mon père s'était retrouvé ruiné à l'époque. Je le répète, c'était normal d'embrasser les idées du communisme au début des années 30. C'était par réaction à la montée du fascisme et du nazisme en Europe. C'était normal aussi parce que ces idées semblaient justes, ni plus ni moins, à tous les jeunes que je fréquentais en ce temps. Alors oui, il y a eu la création de l'Actor Studio et l'activité au groupe théâtre, et j'ai participé à cette aventure dès les débuts. On a monté des pièces, on a révolutionné l'art du théâtre dans ce pays, et ça j'en suis fier. On était à l'avant-garde. Et puis, un beau jour, on m'a demandé de rédiger des rapports sur mes camarades, des rapports hebdomadaires, sur ce qui se disait et sur ce qui se faisait. J'étais horrifié à cette idée. Et j'ai refusé catégoriquement. Car je me suis senti trahi par cette cause à laquelle j'avais cru. Mais en 1952, les choses avaient beaucoup changé. Je détestais le Parti communiste soviétique parce qu'il était impossible pour moi de cautionner la violence et les méthodes du régime stalinien. Je voulais le combattre et non le soutenir. Je détestais l'idée de ces cellules qui enquêtent sur les uns et sur les autres pour savoir si votre cervelle pense assez à gauche, si votre corps pense assez à gauche lui aussi, si vous mangez ou buvez assez de la main gauche, si votre compagne s'appelle gauche, vos enfants, vos amis, votre chien, votre journal intime. Quelle horreur. Je les emmerde, ces gens-là. De là où je venais, on savait trop ce que c'était que d'en chier pour disposer ne serait-ce qu'un seul instant de la liberté de penser. Et ça, personne n'allait me le retirer. Arthur Miller, j'écoute. Art, c'est moi. Gatch ? Oh, il y a longtemps, hein ? Ça fait plaisir de t'entendre. Tu es sur les répétitions avec Tennessee, à ce qui paraît ? Oui, j'étais, enfin... Bref, comment vas-tu ? Non, vas-y, parle. Non, j'ai... C'est pas une période facile, tu sais. C'est Molly ? Non, Molly va très bien, Arthur. Fais pas l'idiot, s'il te plaît. Excuse-moi. De mon côté non plus, c'est pas... Oui, j'imagine. Avec Marie, j'essaie, mais j'y arrive plus, on s'engueule, c'est moche à voir. Et puis, il y a tout le reste. Tu sais, je voulais te dire pour le piège, je suis désolé de t'avoir lâché. C'était pas chic de ma part, mais j'ai préféré... Non, tu es très chic, Arthur. Très. Tu te fous de moi ? Mais pas du tout. Compte tenu de ce que j'ai à te dire, je trouve que tu es quelqu'un de très chic. Je ne te suis pas. Par rapport à moi, j'entends. Gatch, ça va ? Non. Non, ça va pas. Que se passe-t-il ? La commission m'a appelé pour me demander de coopérer. Comment ça ? Alors, j'ai d'abord refusé. Gatch ? Attends, attends, Arthur, laisse-moi parler, s'il te plaît. Ok ? Je t'écoute. Wood m'a proposé de m'entendre lors d'une session secrète. Oui, je sais, c'est ridicule. J'ai dit que j'étais prêt à dire ce qu'il savait déjà, à savoir que j'avais été membre du parti en 34 et que je l'ai quitté en 36. Et alors ? Et alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis rendu au comité, en secret donc, et j'ai révélé ce qu'il savait déjà. Et maintenant ? Et maintenant ? Ils veulent des noms, Art. Et tu vas leur donner ce qu'ils veulent ? Si je te dis que oui, qu'est-ce que tu vas penser de moi ? Rien, Gatch. Je vais rien penser. Tu sais, Molly est à bout. Elle m'en veut de me taire. Et... Je vais rien penser du tout. Je suis ton ami. Je ferai de mon mieux pour te comprendre. Mais pourquoi doit-on souffrir autant pour protéger des idées auxquelles on ne croit plus ? Des idées qui nous ont fait du tort, des idées qui ont provoqué des malheurs. Gatch, arrête, je te prie. Je crois plus en cette soi-disant révolution prolétarienne qui a propagé la mort et non la vie, l'injustice et non la justice. Ah, je suis fatigué, Arthur. Je suis épuisé, éreinté, je dors plus. Je sens que mon corps est en train de me lâcher, que ma tête est en train de m'abandonner. Je sens le rythme de mon cœur qui s'accélère et je sens qu'il va lâcher lui aussi. Mes mains tremblent, mes jambes tremblent elles aussi. Mais quoi, quoi, bon sang ? Arrête ! Calme-toi ! Respire. C'est que... À toi, je dois la vérité. Parce que... T'es comme un frère pour moi, alors. Je pense plus comme je pensais à l'époque. C'est même plutôt le contraire, en fait. Et je comprends pas pourquoi mes amis pensent encore que le communisme est une cause digne aujourd'hui. Je refuse d'avoir cette faiblesse morale. J'ai une question à te poser, si tu veux bien. Bien sûr. Est-ce que les raisons que tu m'as citées sont les seules raisons pour lesquelles tu vas coopérer avec la commission ? C'est-à-dire ? T'as pris ta décision, Elia. Ma décision? Tu vas donner les noms. Oui. Maintenant, réponds à ma question, s'il te plaît. Tu veux savoir si ma décision est influencée par le fait qu'un tramway a eu 12 nominations et aucun Oscar? Je veux savoir si tu te protèges par conviction ou par peur. À ton avis? Je sais pas. Salut Arthur. Salut Elia. This year the Academy's Board of Governors presents its honorary Oscar to a man whose work is vitally important in the history of America. Je n'ai revu Arthur Miller que 10 ans plus tard. Entre-temps, il a quitté Mary, écrit Les Sorcières de Salem et plus tard Vu du Pont. Et puis en 1956, il a épousé Marilyn. Et là encore, il y a eu toute une histoire avec le comité, mais c'est trop long à raconter. En ce qui me concerne, ma décision était prise. J'allais donner les noms de mes amis du groupe théâtre, mais uniquement des noms préalablement cités lors d'autres auditions. 11 au total. Au lendemain du 10 avril 1952, une nouvelle vie a commencé pour moi. Jusqu'alors, je m'étais senti comme un adolescent. Mais à présent, si je voulais survivre dans ce monde, j'allais devoir être un homme. La question d'Arthur sur les vraies raisons qui m'ont poussé à collaborer m'a longtemps torturé. Et encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, quelques instants seulement avant d'être appelé sur scène par Robert De Niro et Martin Scorsese, afin que me soit remis cet Oscar d'honneur, j'y songe encore, sans pouvoir conclure à une réponse sûre. Ladies and gentlemen, Mr. Elia Kazan. C'était 1952, Kazan et les autres, de Sharif Gattaz, avec Elia Kazan, Bertrand Suarez-Pazos, Arthur Miller, Nicolas Racca, Marilyn Monroe, Pauline Chevillier, Daryl F. Zanouk, producteur, Richard Samut. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré, Antoine Espel. Assistante à la réalisation, Justine Dibling, Louise Loubrieux. Réalisation, Michel Sidorov. I thank you very much. I really like to hear that. And I want to thank the Academy for its courage, generosity. And I want to tell you that I've been a member of the Academy on and off for I don't know how many years. So I'm pleased to say what's best about them. They're damn good to work with. I also want to thank Marty. Where are you? Hiding behind me? Come on here. Right behind you. Where's Marty? Right here. Thank you. And Bob. And Bob, too. And Bobby. Bobby De Niro. Okay, thank you all very much. I think I can just slip away. Affaire sensible, la fiction. Lorsque j'ai écrit le livre, j'ai pris la décision ni de défendre cette attitude, ni d'essayer de la justifier. Je dis simplement ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé. En fait, c'était toute une série d'incidents à l'intérieur même du Parti communiste qui m'ont fait comprendre ce qu'il était en réalité. Et bon nombre de choses qu'ils ressentent dans les États de la Baltique, en Ukraine et en République démocratique, en Allemagne de l'Est aujourd'hui, les choses qu'ils traversent aujourd'hui, eh bien, je crois que ce sont les choses que j'avais ressenties moi-même à l'époque, en 52. Donc, je crois que lorsqu'on prend ce genre de décision, de toute façon, on est perdant d'avance. Parce que vous mettez à dos les uns et les autres. Toutefois, il fallait que je décide. Et je pensais que la façon de penser communiste était tellement inacceptable, tellement, finalement, mauvaise et délétère pour les intellectuels, les jeunes intellectuels, que j'ai décidé de franchir le pas. France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Affaire sensible, la fiction, aujourd'hui 1952, Kazan et les autres. Notre invité, Bruno Hischer, journaliste, critique de cinéma. Bonjour Bruno Hischer. Bonjour. Vous êtes journaliste et critique de cinéma. Vous avez été chef du service culture au journal Libération et rédacteur en chef à Télérama. Et vous avez rejoint le comité de sélection de la quinzaine des réalisateurs pendant 3 ans, 2016 à Cannes, donc 2016, 2017, 2018. Alors, nous venons d'écouter une archive avec la voix d'Elia Kazan, qui était invité chez Bernard Pivot. C'était en octobre 1989. Il parlait du communisme qui n'avait plus finalement que quelques mois à vivre, puisque le mur allait tomber un mois plus tard, entraînant ce jeu de domino qu'on connaît. Bref, il revient donc, Elia Kazan, sur cet épisode douloureux de cette fameuse commission devant laquelle il témoigne, enfin il répond aux questions, et il dénonce, ou il aurait dénoncé, 8 compères, 8 comparses, 8 comédiens du théâtre, hein, oui. Voilà. Alors 8, plus que 8, que sait-on exactement sur cet épisode-là? Ce qu'on sait, c'est que Elia Kazan a témoigné une première fois devant la commission et qu'il a refusé de donner des noms. Il n'a répondu aux questions que pour lui-même, et notamment son appartenance au Parti communiste, qui a duré très peu de temps, qui a duré 1 an et demi, 2 ans, et Parti communiste dont il a été exclu, par ailleurs. Voilà, c'était dans les années 30, au moment où il est à Broadway, enfin off-Broadway, au Groupe Theater, qui était une sorte de sommet des intellectuels de gauche new-yorkais. Et seulement c'est lui qui a demandé, une seconde audition. Et dans cette audition, il a donné des noms. Il a donné 8 noms, 8 noms parmi lesquels des gens qu'il connaissait très bien, qui étaient ses anciens compagnons de théâtre pour la plupart. Et ensuite, le lendemain de cette audition, il a acheté une page dans le New York Times pour expliquer ce geste. Alors, quelle est l'explication? Parce qu'on en avance plusieurs, mais comme il l'a donné, dites-nous. D'abord, il faut souligner que c'est une période extrêmement complexe, d'une férocité invraisemblable, et je mets au défi quiconque d'avoir une opinion très tranchée sur ce qu'il fallait faire ou pas. Bien sûr. Donc, on parle du maccartisme. Du maccartisme, et là on est au sommet de la chasse aux sorcières, et ça parle en tous les sens, les journaux dénoncent, tout le monde, bon, ça est très compliqué. Et donc Kazan a probablement d'une part été victime de pression, notamment du studio de la Fox, puisque Daryl Zanuck, qui était le patron du studio, je ne peux jamais cacher d'être anticommuniste et en tout cas d'avoir à l'égard de Kazan des exigences. Et pousse au crime. Voilà, absolument. C'était donc des pressions très, très importantes. L'autre élément, c'est que ce que Kazan a essayé d'expliquer le reste de sa vie, y compris dans sa biographie, c'est qu'il ne voulait pas sacrifier sa carrière à une cause qu'il ne soutenait pas. Le communisme. Le communisme. Qu'il ne soutenait plus, en voilà, tout cas. Qu'il ne soutenait plus. Et les faits, vraiment, de façon purement factuelle, on peut comprendre cette attitude, puisqu'il a été exclu du Parti communiste et qu'ensuite, il n'a jamais approché les partis gauchistes, etc. Mais ça ne justifie pas de dénoncer. Voilà, il y a la question morale du dénonciation. Mais lui a été extrêmement clair, il était plus américain que les Américains, puisqu'il a dit « je ne veux pas sacrifier ma carrière à cette cause que je ne soutiens pas ». Quels ont été les autres cinéastes, non pas victimes du macartisme, on les connaît, Orson Welles, Joseph Losey, Charlie Chaplin ou encore Jules Dassin, mais ceux qui, comme Kazan, auraient pu répondre aux questions. Il y a eu énormément de gens qui ont été conduits à effectivement donner des noms. Il y avait des noms, justement. Weiler, notamment, Dimitrik, qui faisait partie des 10 d'Hollywood, ceux qui ont été vraiment bannis et qui ont fait de la prison avant, en 48, donc quand la commission a commencé à enquêter là-dessus, donc il a fait de la prison et Dimitrik a fini par donner des noms pour continuer sa carrière. Et donc, d'autres sont partis. Mais parmi ceux qui ont donné des noms, certains s'en sont ont pu continuer une carrière. Je pense notamment à un acteur qui travaillait beaucoup avec Kazan, qui était Lee Jacob, qui est le fameux patron de syndicat dans Sur les quais, qui a une gueule pas possible, qui a toujours fait des rôles de réac, de salaud, de mafieux, etc. Et qui était un type de gauche absolument charmant. Un vrai acteur. Voilà, un vrai acteur. Et oui, il a donné des noms. Certains, ça les a totalement démolis. Je pense à Sterling Hayden, notamment, l'acteur de Asphalt Jungle, notamment, de Houston, qui a donné des noms et qui l'a réellement regretté toute sa vie. Et Ronald Reagan, à l'époque? Alors, Ronald Reagan, c'était un cas particulier, puisque lui était le fer de lance de la lutte anticommuniste. Président d'un syndicat d'acteurs, d'ailleurs. Président du syndicat d'acteurs, précisément pour ça. Ah, oui. Et avant de faire des déclarations publiques et de s'engager publiquement en faveur de cette croisade anticommuniste, il donnait des noms à FBI. Ouais. Voilà. Bon. Donc, lui, notamment, mais il y avait aussi Walt Disney, qui était, alors en plus d'être anticommuniste féroce, un antisémite, probablement le type le plus antisémite d'Hollywood, Cécile B2000, il y en avait quand même aussi beaucoup. Mais c'était un combat très particulier, dans une époque très particulière. On venait après la guerre et après Roosevelt aussi, où il y avait une tendance à gauche de l'Amérique qui progressait. Et donc, il y avait, pour toute une frange de la population dirigeante comme ça d'Hollywood, une nécessité d'épurer le système. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été une férocité invraisemblable. Bruno Escher, on va se retrouver dans 3 minutes et on parlera ensuite des qualités artistiques et du cinéma d'il y a 15 ans. Every day, several times a day, a thought comes over me. I owe more debt than I ever can pay back, more money than I'll ever see. I walk around the streets of Coney Island, I look through the windows of every store, I peep through the hallways and the doorways, and I think of this debt I owe. I peep through the hallways and the doorways, and I think of this debt I owe. I feel like a piece of crushed wreckage, some smashed car in a salvage yard. A vision of an old newspaper blown across an old Navy yard. A curbstone chipped and beaten, a piece of gum stuck to a shoe. An empty pack of used matches, an empty version of you. An empty pack of used matches, an empty version of you. Saunter like paper cups thrown in the trash. They're crawling all along the sidewalks, their wallets stuck in their pants. And it comes over me like a mist rising, a fog falling over a ship. The bell is ringing out danger, but it's too late to cancel this trip. I see the mist rising before me, my hand reappears by my face. By my waist, a cold, empty pocket. On my wrist, the tears from your face. And I think of what I thought this cold morning. It's the same thing I'm thinking at three. I owe more than I can ever pay back, more than I'll ever see. I think of what I thought this cold morning. I think of what I'm thinking at three. At 10 and at midnight, the same damn thing. I wish this debt was about money. At 10 and at midnight, the same damn thing. I wish this debt was about money. Bruno Richer, on se retrouve pour parler d'Elia Kazan et cette fois le volet artistique, la page artistique, on va l'ouvrir. Kazan a noué avec Arthur Miller une amitié forte. Quelle était la vie de Kazan ? Kazan était un énorme bosseur. C'est vraiment un travailleur acharné. Et depuis son arrivée dans le théâtre new-yorkais et à Hollywood, il n'a pas cessé de travailler et d'écrire, de travailler notamment avec les acteurs. Enfin, il a inventé Marlon Brando, il a participé à inventer James Dean et aussi d'autres gens. Donc, son rêve américain, c'était vraiment sérieux. Il prenait très au sérieux. C'est pour ça que j'ai dit le plus américain des cinéastes, ce qui peut être étonnant, mais quand on connaît l'histoire, on comprend pourquoi. Absolument. Et sur sa carrière à Hollywood, parce qu'il a jamais totalement abandonné le théâtre, il voulait y retourner, etc. C'était toujours très ambigu. Mais le cinéma lui a fait et le public lui a fait un tel accueil qu'il a fini sa carrière effectivement au cinéma avant tout. On dit qu'une des raisons de son succès est l'apport de sa femme Molly. C'est vrai? Et si oui, pourquoi et comment sa femme a-t-elle pu l'aider dans son métier? Molly était un personnage extrêmement important dans la vie de Kazan. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de cette fameuse page dans le New York Times qui était un peu maladroite. C'est Molly qui l'a écrite et c'est Elia Kazan qui l'a signée. Donc, c'est dire un petit peu le degré de confiance qui lui accordait. Ce qui est vraiment intéressant dans la carrière de Kazan, c'est qu'il y a vraiment avant et après la commission. C'est-à-dire qu'avant la commission, il est toujours dans cette veine très réaliste, acteur studio, un très bon ami désir, etc. Et le reste de sa carrière, on peut relier le reste de sa carrière quand même à cette décision qu'il a prise de témoigner devant le... Ça lui a été évidemment beaucoup reproché. Hein. C'est John Berry, le réalisateur qui a donc fui les États-Unis pour la France, disait à la fois de Kazan que c'était un très grand cinéaste, qu'il a passé le reste de sa carrière, après le témoignage devant la commission, à s'excuser, à se trouver des excuses. Et il y a effectivement deux films en particulier qui sont limpides. Le premier, c'est Sur les quais, où Marlon Brando est un docker qui dénonce des pratiques mafieuses du syndicat. La métaphore est claire. Et où il dit à un moment, quasiment face caméra, il dit « je suis content de ce que j'ai fait ». Et c'est vrai, évidemment, il y a Kazan qui parle. Et l'autre film, qui est peut-être encore plus spectaculaire, c'est dans ce registre-là, en tout cas, c'est Les Visiteurs, qui est son avant-dernier film. C'est un film avec James Woods, qui est au tout début de sa carrière. Et c'est l'histoire de deux GIs qui reviennent au pays et qui vont trouver un de leurs camarades qui les a dénoncés pour le viol et le meurtre d'une jeune Vietnamienne. Et on voit que dans les deux cas, et plus encore dans le second... On sait de quoi il parle, en fait. Oui, et que le délateur a le beau rôle. Et qu'il a bien fait, L'un, c'est pour dénoncer des pratiques mafieuses. L'autre, c'est pour dénoncer un crime atroce. Donc, il y a, chez Kazan, il y a quand même, même dans sa veine artistique, il y a quelque chose de justificatoire, comme ça, de son attitude. Grand directeur d'acteurs, me disiez-vous tout à l'heure, il a inventé Marlon Brando. Les autres acteurs, les autres comédiens qui ont joué avec lui disaient la même chose. C'était un maître de ce point de vue-là. Oui, tous les comédiens qui sont passés entre les mains de Kazan disaient qu'il avait cette maîtrise de à la fois de l'espace et du jeu de l'acteur, qu'il était aussi un peu psychanalyste sur les bords, qu'il amenait les comédiens à l'extrême limite de ce qu'ils pouvaient apporter. Ça nous rappelle Kubrick, ça, un peu. Hein, c'est pas un hasard, d'ailleurs, si Kubrick disait de Kazan que c'était le plus grand réalisateur américain. Scorsese aussi, du reste, d'ailleurs. Oui. Scorsese a fait un très beau documentaire sur Elia Kazan qui s'appelle A Letter to Elia et qui est un très très beau documentaire. Alors qui était Kazan? Un monstre d'orgueil, de désir, un artiste fragile, inquiet, qui ne peut pas oublier ses origines, qui passe sa vie, vous le disiez, à s'excuser de vivre. Ça, c'est quoi la synthèse de tout ça? La synthèse, c'est que c'est un artiste absolument exceptionnel dans la manière d'embrasser comme ça une carrière aussi vaste, aussi complexe et dans des circonstances aussi houleuses hein, quand même, parce que toute sa vie a été marquée par ça et aussi par l'exil, frappée par l'exil. C'est difficile de savoir exactement qui était Kazan. Il y a cette image qui est assez troublante de justement le jour où on lui remet l'Oscar d'honneur en 99. Il est présenté par Martin Scorsese et par Robert De Niro, donc pas tout à fait rien. Et il arrive et la salle est très partagée, évidemment. Il y a une partie de la salle qui se lève et qui applaudit, dont Warren Beatty, qui est pas exactement un homme de droite, et puis d'autres qui restent assis et qui n'applaudissent pas, comme Nick Nolte, comme Ed Harris, comme d'autres, et puis d'autres qui timidement... 40 ans après. Et Kazan a été le traître idéal, d'une certaine manière, d'une gauche américaine, mais pas seulement, qui symbolisait à la fois la compromission et le pragmatisme. Et oui, sans doute que Elia Kazan est devenu plus américain que les Américains. En même temps, il est arrivé à 4 ans, donc on peut pas dire que ce soit vraiment un déni de justice, mais que toute sa carrière, en tout cas, a été marquée par cela. Et qu'il a réussi, probablement pour des mauvaises raisons, à faire de très beaux films. Ce sera le mot de la fin, Bruno Richer. Merci infiniment pour les éclairages que vous nous avez donnés sur Elia Kazan. Au revoir. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, 1952, Kazan et les autres. Une fiction écrite par Sharif Gattaz, réalisée par Michel Sidorov. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet et réalisée par Al Nioro. Programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Paul Percheron et Vincent Godard.